traite salement dans tous les coins de France. Ça parle de tournante, les médias en font des tonnes. La pression monte, son côté flic te contrôle. Sous toi des sachets de coke, de tes gestes, t'as plus contrôle. Ton sang chauffe quand tu vois une descente CRS, ou quand ce flic n'hésite pas à descendre un de tes proches. La tension augmente quand y'a course poursuite. Quand un proche est dans un état critique qui penche vers le suicide. T'es bloqué avec ta femme et tes enfants dans un appart en feu. Ton pouce s'accélère et tes poumons manquent. Ton pouce s'accélère car t'as un mort sur la conscience. Il s'accélère car t'as pris 30 ans de pénitence. Ton cœur palpite quand le téléphone sonne à 3h du mat. Quand la daronne se lève en sursaut ou quand t'as pris 10 mois de sursis. La pression monte, les jeunes se baladent chargés comme des dingues. Pour un regard travers, ils seraient prêts à te flinguer. Tes nerfs montent quand t'entends que ta mère est victime d'une agression. Ou quand ton congé est tué lors d'une baston. La tension monte d'un cran quand t'entends que ton frère, à la sortie d'une prière, s'est fait poignarder dans le dos. Tes nerfs craquent, à la sortie d'école, des balles fusent, manque de peau. C'est dans tes jambes qu'une balle s'y refuse. Tu sens monter l'adrénaline. Quand tes secousses du tiers monde, les terrains de jeu sont truffés de mines. La pression monte quand tu sors de boîte et le conducteur est défoncé. Qui fonce à l'aveuglette sans savoir vraiment ce qu'il fait. Pris de terreur, t'es ce reporter pris en otage devant le monde entier. Ton cœur palpite, tes secondes sont comptées. Tu seras décapité à cause d'un délai de rançon que ton pays n'a pas respecté. La pression monte salement quand deux tours s'effondrent. L'amalgame fait que les innocents creusent leur tombe. Un viol collectif perpétré par des jeunes de moins de 18 ans, 5 adolescents dont... Les flammes ont ravagé donc en pleine nuit un immeuble du 13e arrondissement de Paris occupé par des familles africaines. Sur scène, un homme de 56 ans a été battu à mort sous les yeux de sa femme et de sa fille. Un puissant séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter a donc touché ce matin le... Le racisme poison tenace aujourd'hui encore dans le milieu du football, une semaine d'action européenne. La pression monte quand tu marches seul, t'es coursé par des skins, t'as beau jouer les mesquines, vaut mieux pas qu'ils t'attrapent, sont défoncés à la skin. Dans des situations telles qu'elles vont me prendre déjà bas ton cou. Si tu veux pas prendre des coups. Tes nerfs montent quand ce type viole ton enfant. Ta femme t'apprend qu'elle est enceinte de son amant. La tension monte quand on est ventre ton père devant toi. C'est une épreuve de jeu que l'on surmonte avec foi. Elle monte quand t'apprends qu'on a enlevé ton enfant. Que ta femme s'était violée puis vidée de son sang. La pression ne cesse d'augmenter. T'es confronté à des actes antisémites. Des lieux de prière sont profanés. Sur des tombes, des croix gammées. L'islam est méprisé, les terres colonisées. T'es angoissé quand surgit un tremblement de terre où tout le monde succombe. T'es le seul survivant coincé dans les décombres. Tes nerfs montent quand ta communauté se divise. Ou quand ta sœur est cataloguée parce qu'elle porte le voile. Tes nerfs montent quand on laisse pas le droit de t'exprimer. Ou quand le peine crie tout fort la France aux Français. Le sang chauffe quand t'es footballeur de couleur noire. Et le public émite le cri du singe, obligé de rester sage. Sang froid coincé dans une cave en manque d'oxygène. La pression monte quand ça pète en plein sang. L'adrénaline monte, impossible qu'elle s'estompe. Une bombe en plein Madrid a dévasté tant de monde. La pression pète quand tu trouves un homme avec ta femme dans ton lit. Ou à l'aéroport quand tu trouves une bombe enfouie dans un colis. Tes nerfs montent quand tu vois ce noir mourir de faim. Cette fille qui te fait passer pour une personne que tu n'es pas. Assis à contempler le ciel, tu vois un avion arriver. 4 secondes avant l'impact, ta pression ne cesse d'augmenter. Tu perds ton sang froid, t'es le passager d'un avion qui s'écrase au sol. Parce que le pilote perd le contrôle. Moi je suis le pilote de l'avion, j'ai perdu le contrôle, je vais m'écraser. Je suis athée mais je demande à Dieu de m'épargner. Tu perds ton sang-froid quand t'affrontes ces graves situations. On t'a rien inventé. Des vraies personnes sont en train de le vivre dans cette violente réalité.